avec l'artiste au téléphone dans quelques instants. Merci, Jean-Tienne La France. Bonne émission. C'était Jessica Leb avec vous. On se retrouve demain, je vous l'ai dit. Bonne soirée sur les ondes de CKRL. À découvrir pour la rentrée au Palais Montcalm, Maison de la musique, le seul concert au Canada du John Medeski's Mad Skillet le 17 septembre, une soirée intime avec le coloré pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman le 27 septembre, une version revisitée de Light as a Feather de Chick Corea avec le quintet Touin, Caron, Rieux, Brochu et Egan le 3 octobre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Allô, Yves Landry. Très heureux d'être ici, c'est-à-dire à CKRL, à laquelle je vous confie, entre autres, le samedi, de 5h à 6h, j'aurai l'occasion d'animer l'intemporel. On va parler d'hier, on va parler peut-être même de demain, mais surtout que on sera toujours intemporel dans le moment présent. Pour s'amuser et d'abord et avant tout, se divertir. L'intemporel à CKRL, c'est merveilleux. L'intemporel, une présentation de Filtre Plus et Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex, Clinique Médicale Lacroix et XPN Canada. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 toujours. Et c'est Jean-Tienne La France qui est au micro avec vous pour parler d'art pour la prochaine heure à l'aérospatiale. Et l'émission va débuter avec une entrevue avec Ludovic Bonnet, qui nous présente depuis la semaine dernière l'exposition « Ne pas sauter sur les lits », qui est présentée au Centre d'artistes Le Lieu, sur la rue du Pont. Donc, une exposition qui est très immersive, qui nous transporte dans un univers, dans l'univers de l'enfance, et aussi très interactive. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus avec Ludovic au téléphone dans quelques instants. Ensuite, il y a Jean-Michel René qui vient nous faire une chronique sur une exposition qui s'intitule « Cette exposition est brillante ». C'est une exposition de 3 jours. C'est au 704 rue Sainte-Madeleine. Ce sont des ateliers d'artistes partagés. Donc, c'est des ateliers ouverts qui sont organisés dans le cadre de la rentrée culturelle à Québec. Et en deuxième partie d'émission, je vais avoir l'occasion de m'entretenir avec Gabrielle Boutier, qui est une des membres de l'Orchestre d'Homme Orchestre. Et l'Orchestre d'Homme Orchestre, qui est très occupé cette semaine, Gabrielle a réussi à se libérer pour venir nous parler de cette tête de roi qui est présentée au Domaine Maizeray dans le cadre de la première édition du Festival des Arts de la Rue à Québec. J'ai bien hâte d'entendre Gabrielle Boutier nous parler de ce parcours déambulatoire qui me semble assez fascinant. Donc, ça va être les 13, 14 et 15 septembre. Mais pour l'instant, on va prendre une petite pause musicale. Cette semaine, Simon Roy nous transporte dans l'univers du rap québécois, donc du bon rap québécois comme on l'aime, avec l'album solo de Robert Nelson, donc le Hot Ogden de Dalla Clara Ensemble, qui a sorti son album Nul n'est roué en son pays en avril 2019. Donc, on va commencer avec le premier extrait, L'ours qui a vu l'homme de Robert Nelson. Vous savez, il y a souvent des gens qui me demandent, Rob, Qu'est-ce que... Eh bien, ça, je réponds invariablement ceci. On a du bois pour ta fille tout l'hiver, on élabore le labeur à l'année. Là, on est sur flac, on est sur le moustiquaire. Y'a pas le choix d'abord à porter bain du bar à maison. Gang de mon enfant le teint, t'apprendras pas la grimace au vieux singe. J't'ai vu un gars qui m'a vu, c'est bien simple. J'pense que t'es l'homme qui a vu le mince. Mince, mince, mince. Minceur, c'est d'un. Mince, mince, mince. Bonheur, c'est d'un. Mince, mince, mince. Malheur, d'un. Mince, mince. Doing it la façon qu'on me le montre, le plan est calculé au millimètre. Minimum, minimum, un des maillons dans la chaîne, la tradition elle est déjà millénaire. Better known as le mince, get gone, ça au bain. Jette pas le bébé avec l'eau du bain. Quelque chose dans le chemin, dans la mesure de l'impossible, on fait le possible. Si je veux passer par là, me tasser ta colline. C'est qui ce qui est dans la serrure, c'est ma bob. Et puis mets du citron, on me drink, pis de la codéine. Gueule du gras, pis de la protéine. Ville de beluga, pis body bear. Spending mes dollars bear sur la bouffe que je me mets dans le bed. La parole est d'argent, le silence est d'or à la base. Fait que je dépense l'argent, mes paroles pour apprécier mon or en silence. Je suis parti dans le bois pour dire un mot, tu sais, j'suis en vacances. Sirote ma solitude, smoking and journeying en ville ou ma forêt, mais jamais suburban. YOLO, génération twerking, allez-y, mollo sur le apple du serpent. J'monte sur mes grands chevaux, j'connais l'inventaire de ton entrepôt. Mais c'est pas noyer le poisson, ça c'est nager à contre-courant. Now you know, sur la go Bobby Kettle, baby, I'll be gentle. Mais on fait des arts, même si fait en bas de zéro. Le monde est tatoué, quant à lui, le dinero appartient à ceux dont les employés se lèvent. Mice. Tiens la route, les gars font du chap, j'ai des pièges à os. Plein à foot, sauf le début, y'a une fin à tout. Dans la tundra avec ben la top. C'est toujours pour essayer de pogner un pile de mon paquet de chien. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'ai avec nous au bout du fil Ludovic Bonnet. Bonsoir. Allô. Alors, Ludovic, tu présentes actuellement l'exposition Ne pas sauter sur les lits. Ne sautez pas sur les lits, je me trompe tout le temps. Au lieu, c'est une exposition que tu avais présentée l'année dernière à Action Art Actuel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'ai l'impression que cette exposition-là, cette installation plutôt, elle avait été créée in situ pour le centre Action Art Actuel. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Et Action Art Actuel, c'est un centre qui a une superficie puis des plafonds beaucoup plus hauts quand même que ce qu'on retrouve au lieu. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu as adapté l'installation pour une nouvelle salle d'exposition qui est à plus petite échelle? Ben, en fait, Action Art Actuel est en longueur, surtout. Le lieu, c'est un rectangle plus trapu, donc on le fait en rond. Donc, au lieu d'être un passage linéaire, c'est ça fait la lettre Q. Il y a un des éléments qui est central dans cette installation-là, c'est que ça fonctionne avec de l'air. Ouais. Donc, il y a des compresseurs. Exactement, les gens sont amenés à marcher sur des matelas sous lesquels se dissimulent des pédales qui actionnent des mécanismes à l'air comprimé qui, eux, sont alimentés par des compresseurs. Donc, c'est une invitation à sauter sur les lits. On s'entend qu'avec avec un titre comme ça, on ne peut pas faire autrement que de ne pas répondre à la demande de ne pas sauter sur les lits. Et c'est une espèce de parcours aussi de lits qui sont disposés au sol. Il y a quelque chose qui me rappelle aussi l'exposition que tu as fait l'an dernier à la Galerie des Arts Visuels, c'est-à-dire que c'est un espèce de lieu de passage, un lieu immersif dans lequel on entre et on sort et dans lequel on est invité à vivre différentes expériences. Est-ce que tu peux nous parler un peu de en quoi le lieu de passage est important dans ta pratique? C'est une question d'immersion. Si ça permet de, avec peu de moyens, de rendre la salle dans un tout autre univers. En fait, je crois que c'est ça. Donc, un univers qui rappelle également la forêt, parce qu'on a ces planches de bois donc, qui sont disposées à la verticale, donc un ensemble de planches de bois. Et on est également dans l'univers de la chasse, de la pêche, des fois par certains éléments qui s'actionnent quand on se promène. Mais il y a comme un contraste aussi entre le naturel et l'artificiel dans l'exposition « Ne pas sauter sur les lits ». Ben, peut-être plus maintenant, hein, puisque si tu te promènes dans une forêt, il y a quand même tout ça que tu vas voir apparaître. Déchets et tout. Donc, il y a un clin d'œil un peu aussi à tous les éléments artificiels, tous les déchets, par exemple, qu'on peut retrouver dans les milieux naturels. Ouais, je crois. Mm-hmm. Et il y a un clin d'œil aussi à l'enfance, aux rêves, aux jeux. Oui, c'est sûr. Et donc, ben, on s'est croisés le soir du vernissage et les enfants devenaient presque les maîtres de l'installation, là. Ouais, ils se l'approprient puis ils en découvrent toutes les astuces. Et un autre élément que j'ai remarqué dans cette installation-là, ne pas sauter sur les lits, Ludovic Bonnet, c'est le monde de l'atelier. Les éléments donc sont actionnés comme on disait par de l'air de compresseur qui passe au travers de tuyaux, mais souvent les dispositifs vont être composés. On parlait bon de différents éléments de qui sont parfois liés à la chasse la pêche, parfois non, mais liés au jeu aussi. Souvent ça va être des outils qui vont être utilisés. Donc on a comme une espèce de d'utilisation du processus aussi à quelque part dans cette installation-là. Mais en fait, tous les mécanismes que j'utilise, c'est issu de techniques d'automatisation des usines. Donc forcément, il y a des outils qui sont un beau contraste de rentrer l'usine dans le jeu aussi. Et si on revient au compresseur... je pense que lorsque l'exposition avait été présentée originalement à Action Art Actuel, les compresseurs étaient exposés dans la vitrine. Ouais, sauf que les vitrines là-bas étaient fermées. Mm-hmm. Le son était un peu moins présent. Donc c'est plus une question de son qu'une question de vouloir ou non montrer le processus. Ouais. C'est plus ils sont exposés encore, mais sous forme de vinyle. Oui, ils sont exposés sous forme de vinyle. T'as raison, dans les fenêtres du lieu. Et lorsque la première version de Ne pas sauter sur les lits a été présentée à Action Art Actuel, donc je parlais en début d'entrevue que cette installation-là avait été un peu réfléchie in situ, donc pour la salle d'exposition. Et l'installation a également été montée avec des collaborateurs. Et j'ai l'impression que les collaborateurs qui ont travaillé avec toi sur le projet ont eu beaucoup quand même d'initiatives dans l'invention des différents mécanismes. Je me trompe? Tout à fait. En fait, on est arrivé à Action Art Actuel avec un tas de marchandises puis d'équipements. Puis on s'est assis, puis... il y avait Julie puis Julie Lévesque puis Julien Lebarger qui dessinaient des idées de mouvement, puis ils les donnaient soit à moi ou à Alex ou à Nicolas, puis nous on allait les réaliser. Donc c'est vraiment dans un esprit de collaboration que cet univers-là s'est créé au final. Ben, en tout cas, c'est une exposition à voir au lieu. Hein, donc, j'invite les gens à y aller en famille parce que c'est vraiment une exposition qui appelle notre cœur d'enfant. Merci beaucoup, Ludovic Bonnet, pour cet entretien. Merci à toi. Et on va passer avec une pause musicale avec la pièce Jacques Plante, toujours de Robert Nelson. Chut. Jacques Plante, en l'argent. Ils en veulent l'argent, qu'est-ce qui passe comme oui. Devant le net, je suis from downtown, pire, je te l'enlève. Le boy back, c'est le mode présidentiel. Right boss dans l'avion, c'est écrit dans le ciel. Qui le verrait à l'envers la feuille sur ton drapeau, tu sais, c'est le président. Doing diplomacy, rapping to business, on blesse le micro si tu payes maintenant. Y'a pas personne qui l'a pas eu le news. Au Canada, outre-mer, on a move. We flipping le joie sur les one pis les twos, introducing le sacrament smooth. Bobbing up, breaking bread. Merci de rien, s'il vous plaît. Oui, je roule avec aussi Behem. Tout c'était une tree, y'a eu day. Les jardins botaniques, rendu Dieu, le mi-tank. J'suis parti chasser le tuna. Juste pour me faire le plebain. Fais mon tank comme ma cube. La boîte à chute, la que je pick up le cash. À ce qui paraît, allez parler, parler. Moi, quand j'ai la parole, me parler pas que tu peux prouver. Bah, Canada, plaque de l'année, doing donuts. Tout ça, on a show, you know, we bad, man, what? Juste prévu pour l'hiver afin de nourrir la famille en février, what is it? Sur le terrain, t'auras plus rien à dire. C'est le ballon qui veut décider. Any way, overachiever sur overdrive. T'as mis tout seul sur le start and fire. C'est nous les deux côtés de la médaille. Show some respect for 99. Pull up dans Echo, we basic, baby. Y'a un gars, no AC, baby. Y'a rien de ce qu'on fait qui est basic. Quatrième ville dans le 5 de Amazing. Garde son affaire, mais par principe. Livre, mais smart, pas fort, je se multiplie. Check ça comment qu'on est basic. Tire de pénalité, respect, je suis plié. T'as moi, ça règne, mais tu sais pas diviser, non. C'est même pas d'essayer d'imiter. Tu pourras jamais nous limiter, bah. Tu m'as vu dans l'écran, mais crois pas trop ce que t'as dit, c'est non. Chaque légume finit dans le mix. Shoot up a clip et t'entends, je serai swish. Check les numéros, vérifie les risques. J'vois la République, mon alibi, c'est the witness business. La discographie intégrale est dans Guinness. We in this, bah, we men like a les vicious, la garde des coquillages, you know who the riches. Yeah, we just chillin' chez nous, le piscine, le moule, cachou dans ma kitchen, décapité, you know. Bobby be cooking the big plans pour ramasser le goût de pelouse, c'est que nous, on a personne sur le banc, everybody dans mon team, sa glace. On a déjà tout ce qu'il nous faut à maison, everybody dans mon team, papa. Gotta get working, prince sa planche, pour du body, puis du ben sa table. On a gagné 7 millions en place, everybody dans le bug, get busy right now. Juste prévu pour l'hiver afin de nourrir la famille en février, what is it? Sur le terrain, t'auras plus rien à dire, c'est le ballon qui veut décider. Any way, overachiever sur overdrive. T'as mis 12 ailes sur le start and fire. C'est nous les deux côtés de la médaille. Show some respect to 499. Pull up dans Echo, we basic, baby. Y'a un gars, no AC, baby. Y'a rien de ce qu'on fait qui est basic. Quatrième ville dans le 5 de Amazing. Garde son famille par principe. Livre, mais smart, pas fort, juste multiplier. Check ça comment qu'on est basic. Je revenais de la mort avec un peu d'humilité. Bonsoir Jean-Michel René. Bonjour, ça va bien? Oui, alors contente de te recevoir pour ta première chronique de la saison de l'aérospatiale. Oui, t'as passé un bel été? Oui, super bien bel été, ça a été vraiment plaisant. Et t'es allé en Gaspésie là? Oui, durant l'été, c'est ça, j'ai fait un j'ai pris un petit deux semaines de production là, pour un projet. Mm-hmm. Oui. Et là, tu viens me parler de ce qui va se passer à ton atelier. Oui, oui. Habituellement, je fais plus des chroniques sur des expositions, des revues, mais là, je trouvais que c'est la rentrée culturelle, puis c'est bien de partager un peu des initiatives qu'on ben, c'est une initiative personnelle. Mais... Ben oui, mais c'est une belle initiative. Donc, vous avez un atelier partagé. Donc, Camille Cyr, il y a Marie-Claude Relais qui est également chroniqueuse ici, Vincent Fournier, et toi qui partageais un atelier sur la rue Sainte-Madeleine. Donc, c'était tout près de la côte d'Abraham. Et vous organisez donc une exposition dans votre atelier. Oui, c'est ça. On organise en fait l'exposition. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle « Cette exposition est simplement brillante ». En fait, c'est un très beau titre. Oui, oui, merci. Puis, en fait, c'est ça. C'est que ça a démarré, je dirais, il y a à peu près un an. On avait cette idée-là de faire, de transformer un peu notre atelier en lieu d'exposition, de un peu le remanier. Là, ça donnait qu'on était tous dans un moment où on pouvait se le permettre justement de proposer à la rentrée culturelle quelque chose. Puis c'était d'où est venue cette idée de faire une exposition porte ouverte aussi sur nos ateliers. Et puis là, ce qu'on va retrouver, c'est tout du nouveau matériel? C'est rien qu'on a déjà vu avant dans différentes expositions? En principe, oui, c'est pas mal toute la nouvelle production. C'est vraiment un beau prétexte aussi, justement, pour nous sortir un peu de ces moments stagnants de l'été. Souvent, on prend tous un peu une pause, des fois, les centres, mm-hmm. ils ferment, puis... Oui. Fait que c'était vraiment un beau projet, justement, pour nous sortir un peu, nous forcer un peu à produire, là, je dirais. Et vous avez aussi des artistes invités. Vous avez invité les voisins. Oui, en fait, on a réfléchi à une sorte de belle programmation. En fait, on a invité les voisins qui sont de local directement à côté, qui est l'atelier de François Simard. Puis on a invité aussi Francis Labissonnière aussi à participer à l'événement. Puis c'était vraiment dans une idée de, justement, c'est des gens qu'on côtoie, qu'on voit régulièrement. Puis on s'était dit, ben ce serait un beau prétexte. Je veux dire, on rouvre nos portes d'atelier. Mais on se dit pourquoi pas aussi inviter la communauté aussi qui est dans notre proximité. C'est des gens qu'on côtoie, qu'on parle. Puis je pense que c'était un beau prétexte pour justement se lancer dans un partage d'idées, de création et de présentation de projets. Et c'est pas parce qu'on partage un atelier, qu'on est voisin d'atelier, qu'on connaît le travail de l'autre nécessairement. Non, il y a de ça aussi dans ce genre d'initiative-là, d'avoir des ateliers ouverts. C'est pas seulement pour le montrer au public, mais c'est pour se le montrer entre soi aussi, quelque part. Oui, puis c'est un peu ça aussi dans la réflexion. C'est sûr que notre titre d'exposition, c'est un peu c'est un petit titre rigolo, mais il y avait cette idée-là justement de faire un peu rayonner notre pratique entre... Il y avait comme un peu cette idée poétique de faire rayonner nos pratiques entre colocs, puis oui. Entre aussi collègues collègues artistes, je dirais. Puis non, c'est ça. En fait, moi, c'est une réflexion que je me suis faite avec le temps. C'est que je connais un peu la pratique de mes colocataires, mais pas tant que ça. Puis je pense que souvent, on voit toujours leur production en se côtoyant. On voit dans l'atelier, on voit toujours un autre côté, je dirais, de la production. C'est plus... souvent, c'est pas terminé ou... Oui, c'est parcellaire, c'est le processus. On a aucune idée de quoi va avoir l'air l'œuvre. Oui, c'est ça. Puis souvent, ça passe aussi assez rapidement entre l'étape de production, d'emballage. Des fois, c'est aussi pour des expositions qui sont rapides. Il y a des choses comme ça qui se passent. Fait que bien souvent, même nos propres pièces aussi, on n'a pas le temps de les voir. On n'a pas souvent la chance aussi de l'avoir comme chez soi, dans son propre espace, je dirais. Là, vous êtes en montage pour cette exposition. Cette exposition est simplement brillante. Est-ce que, Jean-Michel, tu peux nous donner un petit peu quelques idées de qu'est-ce qu'on pourra y voir dans cette exposition? Oui, bien, je vais essayer de ne pas trop dévoiler... Pas trop de punch, là, mais juste pour nous titiller un peu. Mais ça a été vraiment un beau prétexte pour repenser l'espace de notre atelier. Je pense qu'on a vraiment réussi. En fait, un petit punch, disons, c'est qu'on a inclus dans notre programmation porte ouverte d'atelier aussi, mais il ne faut pas s'attendre nécessairement à avoir l'espace de chacun tout prêt et propre et lavé et tout ça. C'est plus une idée. On a repassé l'espace, on a un peu partagé aussi nos espaces. C'était aussi un moment pour rafraîchir un peu cet espace-là. Puis vraiment, de changer, de passer d'une étape de production à plus un moment de présentation aussi. Ouais. Puis je dirais que c'est ça. Puis il y a eu une recherche aussi au niveau de l'espace aussi, des fois de regarder aussi l'atelier sur un autre angle. On se dit, bon, OK, on a ce grand mur-là. On peut-tu faire quelque chose sur ce mur-là? Il y a vraiment eu des réflexions au niveau plus de l'espace. Fait que ça se pourrait que vous retrouveriez quelque chose comme ça, des œuvres qui vont... s'installer dans l'espace, oui. Des choses comme ça. Parce que on s'entend là, dans les gens qui occupent cet atelier-là, Camille Cyr, Marie-Claude Drolet, Vincent Fournier et toi-même, Jean-Michel René, c'est principalement des gens qui travaillent en 3D, qui ont une pratique sculpturale. Je fais des guillemets dans les airs là, pendant que je dis ça. Oui, c'est vrai qu'on a quand même, en tout cas dans les dernières années, je pense qu'on a été beaucoup proche de la sculpture, mais quoi que, il y a Vincent qui est... Vincent, Marie-Claude aussi. En fait, on travaille tout un peu un mélange des deux. Mm-hmm. Je dirais qu'on est assez multidisciplinaire dans l'ensemble, puis ça fait des beaux mélanges. C'est ça que, en fait, j'ai hâte de voir aussi la production des autres, parce qu'on ne sait pas trop parler non plus de ce qu'on allait faire. On a gardé ça un peu secret. On sait qu'on a chacun un peu une zone où ce qu'on veut plus exploiter. Puis, donc, vous gardez des secrets, là? Oui, on a réussi à faire une sorte de commissariat anonyme, d'une certaine manière. On s'est dit un peu ce qu'on voulait faire, mais sans... C'est quand même difficile aussi à cacher. Ben oui, c'est ça, là. Vous vous mettez des panneaux gris pour cacher votre production pendant que vous préparez l'exposition? Non, mais ça se cache, disons, dans l'heureux fouillis de matériaux. Et donc, la soirée de vernissage, c'est vendredi. Oui. Il va y avoir un DJ sur place, un DJ en résidence. Oui. C'est Julien Saint-Georges Tremblay, qui a déjà été chroniqueur ici à l'émission. Oui. Qui va faire une résidence. Oui, c'est une courte résidence, c'est sûr, mais on trouvait que l'idée était vraiment qui était bonne. Puis c'était aussi, je pense que ça intéressait beaucoup Julien aussi de développer un peu autour de nos goûts, de faire des... Mais oui, parce qu'il y a aussi une formation en histoire de l'art. Est-ce que lui a un accès un peu plus à ce qui est en production pour pouvoir choisir sa sélection musicale? J'ai pas vu encore l'état de sa résidence. Je pense qu'elle commence à peine. Mm-hmm. Puis c'est sûr que c'est tout le temps, c'est un peu informel aussi notre oui. événement, mais c'est ça. C'est sans pression, c'est jovial, c'est vraiment... ouvert sur les propositions, je disais. Mais on est bien content de l'avoir, Julien. Oui, un très bon DJ, Julien Saint-Georges Tremblay, qui fait également les sélections musicales pour nos cousines à l'est de nos empires. Oui, j'ai appris qu'il était en résidence aussi également. Et Francis Labissonnière, François Simard, ce sont vos voisins parce que il y a l'atelier d'encadrement de François Simard qui est contigu à votre atelier. Oui, c'est le local qui est juste en arrière. Oui. Et il y a son atelier aussi de production, je pense. Son atelier de production est dans les mêmes lieux. Et Francis Labissonnière travaille avec François Simard sur les encadrements. Oui, c'est ça. Donc vous les côtoyez et eux vont également présenter des productions dans votre atelier à vous. Oui, effectivement. Ça crée ça peut-être un autre scoop, mais il y a eu des collaborations entre certains artistes de la programmation, de notre groupe. Mm-hmm. OK, donc il va y avoir des œuvres qui ont été réalisées en commun, peut-être? Pas nécessairement en commun, mais qui sont pensées pour aller ensemble. Mm-hmm. Il y a eu une réflexion au niveau de la présentation. Si je peux me permettre. Bon, mais on a très hâte de voir ça, Jean-Michel René. Cette exposition est simplement brillante. C'est le vernissage, c'est vendredi de 17h à 23h, donc vendredi le 13 septembre. Et votre atelier se trouve au 704 rue Sainte-Madeleine à Québec. Donc là, oui? Oui, puis aussi juste dire qu'on a les portes ouvertes sur les ateliers le samedi et le dimanche. Fait que s'il y a des gens qui ne peuvent pas être là au vernissage, mais vous êtes les bienvenus pour venir voir notre travail, voir de la présence. Donc samedi 14 septembre de midi à 17h et dimanche 15 septembre de midi à 17h également. Donc c'est une rue qui se trouve là tout près de la côte d'Abraham, oui. En face de Méduse, mettons, un petit peu plus vers la Haute-Ville. Oui, c'est ça. Pour donner quelques points de repère. Et nous, on va partir en pause publicitaire. Et au retour, nous allons voir une membre de l'orchestre d'Homme Orchestre, Gabrielle Boutillier, qui va venir nous parler de leur spectacle « Sept têtes de roi » qui va être présenté au Domaine Maizeray dans le cadre du premier Festival des arts de la rue, en fin de semaine également. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz funk avec le John Medeskiz Matt Skelet. En concert un seul soir au Canada, le claviériste et compositeur John Medeski vous convie à un véritable festin musical avec sa troupe de la Nouvelle-Orléans. Le 17 septembre, vivez la musique à son meilleur avec le John Medeskiz Matt Skelet. Détails au palaismontcalm.ca. Vous vivez de l'intimidation de travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche, soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. Cet été, sortez au Cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville. loyer dès le 2 août. Rapide et dangereux présente Hobbs et Shaw. Histoire effrayante à raconter dans le noir dès le 9 août. Angry Birds 2 le 16 août. Le coupable le 23 août. Et Playmobil dès le 30 août. Économisez grâce à la carte AbonneClap. Disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville. Et en ligne. Bon cinéma. Tu aimes la course à pied et les arts de la rue? La course de la Cité Limoilou est pour toi. Au cœur du quartier Limoilou, viens courir 1, 2, 5 ou 10 km dans une ambiance festive et familiale, avec musique, jongleurs et amuseurs de rue. Le 29 septembre prochain, les rues de Limoilou se transforment en piste de course. Profite du tarif réduit jusqu'au 15 septembre minuit. Inscris-toi sur coursedelacitelimoilou.ca en collaboration avec SDC Limoilou et CKRL. Les Titans du Cégep Limoilou. Nous visons le développement d'étudiants athlètes qui participent activement à la vie sportive du Cégep. Au calendrier cette semaine, ne manquez pas samedi le 14 septembre, football division 1. Limoilou reçoit Notre-Dame de Foix à compter de 13h au terrain Gérard Chiquette, campus de Charlebourg. Et plus tard, à compter de 18h, soccer féminin, division 2. Limoilou reçoit Lévis-Lauzon. Et dimanche, le 15 septembre, tournoi de rugby masculin à compter de 8 heures au terrain Gérard Chiquette du campus de Charlebourg. Les Titans du Cégep Limoilou, une dynastie depuis plus de 35 ans. La période des vacances est terminée, mais il est encore temps de profiter des dernières belles journées sur la terrasse de la brasserie artisanale La Korrigane. Tout le mois de septembre, en journée, pour le 5 à 7 ou en soirée, la terrasse de La Korrigane demeure un incontournable pour déguster une bonne bière artisanale ou pour manger un de nos plats cuisinés avec des produits frais et locaux. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. Alors, de retour à l'aérospatial, Jean-Tienne La France toujours avec vous. Pour cette deuxième partie de l'émission, on a invité Gabrielle Boutillier à venir se joindre à nous. Donc, Gabrielle Boutillier, qui est une membre de l'orchestre d'Homme Orchestre. Et nous avons également Claudie Gagnon. Donc, bonsoir les filles. Bonsoir. Et je vous ai invité pour venir parler de ce spectacle extérieur, déambulatoire, qui s'appelle « Sept têtes de roi », qui est une collaboration entre l'Orchestre d'Homme Orchestre et Claudie Gagnon. C'est votre première collaboration? Mm-hmm. Oui. Et c'est un événement qui avait été fait pour la première fois l'an dernier au Parc naturel régional de Portneuf, qui se situe à Saint-Alban. Et j'ai comme l'impression que cet événement avait vraiment été réfléchi in situ pour ce lieu-là. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui vous avait inspiré dans ce parc naturel et régional de Portneuf? Ben, énormément de choses, oui. Énormément de choses. Déjà, quand on a commencé à travailler cette idée d'une collaboration entre l'Orchestre d'Hommes Orchestres et Claudie Gagnon, on avait toutes les possibles encore ouvertes. On s'est demandé qu'est-ce qu'on aimerait faire. Oui. Et il y a des choses qui sont ressorties, deux éléments qui sont sortis. Le fait de travailler un peu à l'extérieur des espaces de diffusion réguliers, traditionnels, d'une part, et d'autre part, l'envie de travailler en extérieur. Et même, on avait mentionné particulièrement le fait de travailler autour de l'eau. Alors, on avait comme un peu ça qui avait été vraiment au balbutiement de notre travail de création. Et après, ben l'idée a été de trouver un lieu qui peut recevoir quelque chose. Et Claudie est arrivée avec ce magnifique sentier qui s'appelle la Cédrière poétique dans le parc régional de Portneuf. On est allé visiter ça et on est tombé complètement sous le charme de cet endroit-là. Tout d'un coup, on voyait, il y avait presque rien à faire. Le spectacle était déjà dans la forêt, alors ça a été une espèce de coup de cœur. Donc, ça a été de visiter la forêt, de s'en imprégner, d'aller chercher ce qu'elle vous disait quelque part. Il y a une partie des tableaux qui ont été inspirés vraiment par les différents sites de cette forêt-là, qui est vraiment une très belle forêt. Là, on a une transposition en forêt urbaine, semi-urbaine, à Mézeray. Donc, on est en adaptation. Qu'est-ce qui se passe dans cette transition-là? C'est quoi les deuils à faire, par exemple? Deuil est un grand mot, mais on aimait beaucoup, beaucoup notre forêt de Saint-Alban. Mais bon, on a apprivoisé notre forêt de Mézeray. C'est très beau. C'est des saules. Ce ne sont plus des cèdres, ce sont des saules. Puis une saulerie. Puis on a replacé tous ces... Mais on les a intégrés. Hein. Je pense qu'on a fait la réintégration de chaque tableau. Puis on a travaillé avec le mobilier forestier. Puis des endroits qui étaient pas... Comme on avait un tableau dans un trou, qu'on appelle encore le trou, mais il n'y a plus de trou. Fait qu'on on l'a placé autrement. Là, c'est ça. On s'inspire vraiment de la végétation, puis du paysage, puis du parcours aussi qu'on a créé dans le boisé. Oui, parce que c'est un parcours avec différents tableaux, oui. C'est ça? Oui, il y en a plusieurs. J'ai le goût d'aller aussi vers une autre inspiration qui nourrit ce projet-là. C'est l'univers des contes, l'univers de la musique du début du 20e siècle, c'est ça? Donc, vous avez fait une recherche en commun, donc l'Orchestre d'Homme Orchestre avec Claudie Gagnon, vous avez fait une recherche en commun sur cette iconographie-là, cet univers. Oui, absolument. Dès le début, là, on avait plusieurs dossiers de recherche en parallèle. Donc, où est-ce qu'on pourrait faire ce spectacle-là? On a visité plein de forêts. Et aussi, ben, on s'est raconté des contes, en fait. On est allé piocher dans le répertoire de tradition orale. Donc, les contes de traverse, les contes de misère, les contes de nos grands-parents, en fait. Souvent, c'est des grandes épopées. C'est le conte avec Tigeant qui va passer à travers toutes sortes d'aventures. Et on s'en est raconté plusieurs. Et l'idée qu'on avait était pas de transposer une narration dans son ensemble dans un spectacle, mais au contraire d'aller extraire des espèces de patrons qu'on retrouve dans plusieurs contes de tradition orale. Une espèce de méta-conte. Mais il faut souligner que c'est un spectacle sans parole, ce qui est un peu particulier, qu'on s'est inspiré de la tradition orale pour... Puis on n'a jamais eu l'intention de travailler la parole parce que c'est pas ni l'un ni l'autre, on va vers là habituellement, si peu. Mais c'est ça, c'est très étrange le chemin qu'on a pris, comme beaucoup de chemins de ce projet-là. Comme la musique aussi, on reconnaîtra pas nécessairement du travail des reprises du tout, des modernes du début du siècle. Ça a été vraiment broyé, retravaillé. Absolument. Éparpillés, ramenés. Puis... Donc, on travaille sur des archétypes, on travaille sur des motifs. Mais pour mieux les casser, les tordre, les étirer, puis donner quelque chose d'un peu décalé de tout ça, finalement. Oui, j'en doute pas. C'est des sources qu'on va chercher, là, vraiment de la matière pour la retravailler. Donc, cette tête de roi, c'est quoi? Ben, l'idée de travailler sur le conte, en fait, et d'aller surtout chercher, comme tu disais, un peu les archétypes, les espèces de troncs communs qui font qu'il y a des espèces de points de repère dans l'imaginaire collectif, ben, on n'avait pas tellement le choix de... Non, on pouvait pas contourner l'image du roi. En fait, le roi, il est toujours là, il est là partout, il est là dans tous les contes, et il y a toutes sortes de rois. Ouais. Il y a des rois très impressionnants, avec beaucoup d'autorité, mais il y a aussi des rois complètement nonos, qui se font toujours avoir par Tigeant, justement. Et donc, il y a absolument toutes les façons de décliner ce personnage-là du roi. Puis, ce qui est intéressant avec le roi, c'est qu'il vient avec son royaume, il vient avec son univers. Donc, on s'est dit que, justement, de placer des tableaux comme ça en forêt, dans le fond, chaque performeur dans la forêt, il n'est pas un personnage secondaire d'une histoire, il est le roi de son royaume, et le royaume, c'est son tableau. C'est ça, on a autant de tableaux, ce sont des royaumes, puis là, on a 23 rois. Ouais. 23? Oui, ouais, okay. Il y a beaucoup de performeurs, il y a quelques-uns de plus que l'autre fois. Il y a des tableaux qu'on a adaptés, comme on disait. Donc, c'est ça, on va voir en action 23 rois et leur royaume. Donc, 23 rois, 23 royaumes et Claudie Gagnon. Ouais, non, pas nécessairement. Il y a des petits tableaux de groupe, là, mais en tout cas, c'est un parcours avec plusieurs stations. On les a jamais comptés vraiment, mais okay. C'est ça. Tu as parlé de déambulation. Oui. Les spectateurs déambulent à leur guise dans ça. Ça, c'est important pour nous. Il n'y a pas de mode d'emploi. On ouvre le rideau, puis allez-y. Donc, on peut commencer par la fin, par le début. Le voir 30 fois si on a envie. Il faut faire un peu vite. Puis tout ce qu'on a, c'est nous qu'on a un tableau final où on regroupe tout le monde, où on souhaite que les gens restent. Donc, pour la clôture. Oui, ça va être bien indiqué là-bas pour ceux qui prennent. Il y aura une belle affichette qui va nous dire à quelle heure se rassembler pour la scène finale qui est un tableau musical qui rassemble tous ces performeurs. Une espèce de grosse synthèse. Ah oui, puis on a moyen de garder la porte de sortie aussi. A priori, les gens ne devraient pas quitter avant la fin. Donc, on sait pas exactement quel nombre de tableaux. Il y en a plusieurs. Et pour faire du pouce un peu sur cet esprit de collaboration, Claudie, que tu as évoqué, donc la première édition à Portneuf, vous avez collaboré avec des gens de Saint-Alban. Une partie, il y a l'orchestre. Dans l'orchestre qui est la base, il y a le groupe de base. Il y a des musiciens aussi qui se sont ajoutés selon les instruments, aussi le type de musique. Des cornistes, des gens qui étaient aussi un peu dans notre réseau, le réseau de l'orchestre. Puis oui, il y a un volet où on a invité, c'était important pour nous, des gens de Saint-Alban. 5 ou 6 personnes qui sont venues, on leur a comme bricolé des tableaux, puis ils étaient invités à les performer avec nous. Puis on fait la même chose à Québec. Donc, vous avez invité des gens des environs de Mézeray, des gens de partout dans la ville. Comment s'est passé cette La seule condition, c'était que ce ne soit pas des performeurs professionnels. Voilà, c'est okay. tout. Qui avaient une expérience de spectacle, disons ça comme ça, qui pouvait les intéresser. En tout, là, il y a environ combien de personnes qui participent à ce projet-là, cette tête de roi au domaine Mézeray? 23-25. Ouais, c'est ça. On a des gens qui viennent aussi nous aider pour le montage. On est à peu près 25 et quelques plus, sûrement. Oui, c'est une grosse équipe. Et donc, on va, c'est des tableaux vivants. Il y a de la performance. Il y a de la musique, beaucoup de musique. C'est une musique qui est très abstraite, j'ai l'impression. J'ai entendu un petit extrait, puis on est plus dans l'ambiance musicale que dans des pièces musicales en tant que telles. Mais en fait, c'est que tout travaille ensemble, en fait. Le son, l'image, le moment, la durée de ce moment-là, le lieu dans lequel tout ça s'inscrit, ça va résonner ensemble. Donc effectivement, on n'est pas dans une situation où est-ce que on a un concert avec des pièces qu'on interprète et que le langage qu'on utilise, c'est le langage de la musique. C'est complètement autre chose. La musique est là comme un élément parmi d'autres dans cette espèce de synthèse que forme le tableau, le royaume et son roi. Et effectivement, en fait, pour aller chercher le maximum d'expressivité dans ces tableaux-là, c'est pas toujours une musique bien léchée qui est la plus efficace. Des fois, c'est autre chose, c'est des textures, c'est... Il y a de la dissonance. Il y a du bruitage, carrément, des fois. Des fois, il y a des bandes enregistrées aussi, un travail qui a été fait en amont. Puis des fois, c'est ça, le performeur performe avec son instrument. Il y a vraiment de tout. Et donc, c'est une collaboration entre l'Orchestre d'Hommes d'Orchestre et Claudie Gagnon. Comment a fonctionné cette collaboration-là? On peut pas le dire, on sait pas trop. C'est très fluide. Donc, les réunions, c'était comme... Ça s'est fait. On était en création. Je suis un, ils sont 6. Oui, il y avait ça. Oui, c'est ça. Mais on a fait ça ensemble. Oui, on le savait déjà avant ce qui a fait qu'on a voulu travailler ensemble, c'est que d'une part, on est sensibles les uns aux univers, aux sensibilités des autres. Il y avait une familiarité. On est devenus. Puis là, en plus, on est allé chercher un paquet d'autres collaborateurs. Ça fait que c'était arborescent, là, tout ça. C'est sûr que Lodo et moi, c'était le groupe de conception. Puis après, il y a des interprètes. Ça fait que ça aussi, ils se sont appropriés les rôles, tout ça. Donc, c'est un grand, grand travail d'équipe. Là, tout mais ça. Puis là encore, c'est quelque chose que je pense qu'on partageait de toute façon, Claudie et l'Orchestre d'Hommes Orchestres, le fait de travailler avec qui sont les gens. Oui, exact. Et ça, c'est très, ça. Très important. Puis l'idée de bon, on avait des expériences de travail, de déambulation, de tout ça. Donc, oui. On s'est senti quand même assez rapidement dans la famille. Ouais. Mais de là à expliquer un processus, je trouve qu'on s'en serait incapable. Ah non. On n'en a nous-mêmes aucune idée. Non. Je veux dire, de toute voilà. façon, juste l'orchestre de nos orchestres, on ne comprend toujours pas comment on travaille après ouais. 15 ans. Mais oui, on sait que vendredi, samedi, dimanche, il y aura quelque chose oui, à voir. Ça, c'est une donnée sûre. Oui. Ça, c'est indéniable. Dans le factuel, il y aura quelque chose à vous montrer avec beaucoup de monde. Donc, c'est le spectacle d'ouverture du premier Festival des arts de la rue de Québec. Ça va être au Domaine Méseret. Vendredi, samedi, dimanche, ça commence à 19h30. À quelle heure ça finit? Ça dure grosso modo 1h15. OK. Et donc, si on veut vraiment faire l'expérience complète, on reste sur les lieux tout au long de, oui, absolument. De la performance. C'est ce qu'on souhaite. Ouais. C'est quelque chose de on n'est pas dans le spectacle avec... on déambule, on se promène là-dedans, on regarde les tableaux, on fait une balade en forêt. La forêt est très belle, donc chacun le voit à son rythme. Puis oui, les gens sont invités à rester... Jusqu'au tableau final qui est souhaitable pour eux, parce qu'on leur a préparé quelque chose. Donc, c'est ça, c'est pas un in and out, là. C'est pas comme des spectacles d'ambulatoire où on arrive puis on part à n'importe quel moment. Il y a vraiment une expérience entière qui se passe on rentre, on passe à travers le miroir ou le rideau. Le miroir, comme oui, Alice. On peut dire ça, oui. J'ai pas dit ça pour rien. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ce mot. OK. Puis après, on laisse les gens très libres de prendre la chose comme ils ont envie. Et s'il pleut, là, parce que j'imagine que les auditeurs se posent la question, qu'est-ce qui se passe? A priori, il ne pleuvra pas. Nous autres, on est dans le déni. Donc on va continuer à nourrir notre déni. Puis j'imagine que le festival va aviser les spectateurs, parce que on ne sait pas exactement la position qu'ils prennent avec ça. Mais en tout cas, dans notre cas, en fait, c'est certain que si une petite bruine qu'on sent à peine, éventuellement, ça se réfléchit. Mais s'il y a de la grosse pluie, c'est pas possible cause des musiciens. Ouais, c'est ça. Oui. Les instruments, il faut quand même les préserver. Oui. Les individus aussi, mais il y a des instruments qui ne peuvent tout simplement pas jouer à la grosse pluie. Mm-hmm. Fait que c'est une réponse un peu floue, mais c'est celle qu'on a donnée. On va dire aux gens de s'informer sur le site du festival ou pour savoir si on joue vraiment entre eux. Ça fait partie des risques qu'on prend quand on choisit de travailler dans des conditions comme dans celle-là. Comme dans tout beau festival. Exactement. Oui, on est là-dedans. Donc, je réitère les informations. 13, 14 et 15 septembre à partir de 17h30 au Domaine Méseret. C'est gratuit. Oui. C'est ouvert à tous. Oui. Je vous remercie beaucoup, Gabrielle Boutillier. J'ajouterais que c'est en forêt. Donc, nécessairement, pensez à se vêtir pour la circonstance et bien se chausser. Chaussez-vous bien. Merci beaucoup, Claudie Gagnon. Merci. Et nous, on va partir en pause musicale. Et au retour, c'est l'agenda de la semaine. CKRL. Communication. Culture. C'est bon, y'a le matin flan, bon, le ride est low et baby flan, bon, Earth the second hand flan, bon, tout nouveau sous le soleil flan, bon, on se connaît depuis 20 ans flan, bon, tu m'as jamais vu comme ça, tu m'as jamais vu comme ça, je remercie bon, y'a le matin, tout nouveau sous le soleil, on se connaît depuis 20 ans, Earth the second hand, tu m'as jamais vu comme ça, tu m'as jamais vu comme ça. le ride est Louis, baby. Tu vois-tu la vie comme un puzzle ou un prison? Les paroles que tu bois proviennent-tu de la balle ou l'eau du biberon? Un grand ami à moi m'a regardé puis m'a dit: on est à une décision de tout changer dans sa vie. J'ai ma respiration à mes parents, thank God. C'est flambant une décennie que le rap c'est mon main job. Les saisons passent puis on plie comme le roseau ou le stack de billets si tu préfères. On se donne rendez-vous de passer nos ondes. Dis que mon coach est béni par le rap et pas des jokes, mais j'connais mes terpins, yeah. Puis j'suis pépin, je cherchais la moelle, la fesse d'homme, jeter les os dans la mer. Mais c'est flambant, nous c'est feuillet, je s'en faisais nos potatoes et ma dalle. Si ça pèse assez lourd en amont, même si ça paye pas, on est bad. Do with that shit, everything brand new. Mais tout ça can hang, gang, got mon fame quand qu'il move. Boo. Flambant, I got it popping like it's flambant, me suis réparé, mais flambant, je remercie bon, y'a le matin, flambant, le ride est Louis, baby, flambant, earth to second hand, flambant, tout nouveau sous le soleil, flambant, on se connaît depuis 20 ans, flambant, tu m'as jamais vu comme ça, tu m'as jamais vu comme ça, je remercie bon, y'a le matin, tout nouveau sous le soleil, on se connaît depuis 20 ans. Every the second hand, tu m'as jamais vu comme ça. Tu m'as jamais vu comme ça. Le ride est Louis, baby. Ouais, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais surtout mauve orange, j'habille des cannabis. Doctor got a stream pour tes douleurs. Nobody know what they smoke. Y'en a des minds qui savent, yo. Nothing coming in, que j'connais pas l'origine. And that's for sure. C'est comme mes amis, j'connais d'où ce qui vient. Si j'connais pas tes parents, j'te connais pas ta haine, yeah. On se connaît depuis toujours, t'as compris le principe. Mais y'a toujours la place dans mon cœur pour du nouveau fake. Fuck t'as pas new friendship. Flambe en neuf, j'suis fresh, kid. On se connaît keep an open mind, bro. Bah si tu veux jouer à ça, ben on veut jouer. Puis on jouera pas c'est ma golden eye, no. On est pas les best, mais bref, nah. Fait qu'on est les best, on fait juste exprès de faire assemblant qu'on fait pas exprès d'être les best, yeah. Vous l'avez dit, le roi c'est moi mon cousin sur le trône. Flambaneux en Europe, oui, les cousins sur demande. Flambaneux, tu m'as jamais vu comme ça. Je remercie bon, y'a le matin. Flambaneux, tout nouveau sous le soleil. On se connaît depuis 20 ans. Flambaneux, air to second hand. Tu m'as jamais vu comme ça. Flambaneux, tu m'as jamais vu comme ça. Le ride est Louis, baby. Alors, c'est l'heure de l'agenda de la semaine à l'aérospatial et on parle d'art visuel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le monde des arts visuels. Ça commence à sentir la rentrée culturelle à Québec. Dès aujourd'hui, vous allez pouvoir voir au Musée des Beaux-Arts de Québec l'installation vidéo expérience de réalité virtuelle Beholder dans l'œil de celui qui regarde. C'est une œuvre de Matt Clark. C'est présenté par la bande vidéo et Manif d'art dans le Salon des Jardins du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre de billets pour les expositions du musée pour accéder à cette œuvre-là. C'est gratuit. Il y a également, demain, jeudi, une grosse journée de vernissage. Et comme Méduse s'apprête à être rénovée, les vernissages n'auront pas lieu à Méduse, mais sont présentés par des organismes de Méduse. Et c'est une collaboration, une toute première collaboration entre différents organismes de Méduse et le Festival de cinéma de la ville de Québec, dont vous allez entendre parler beaucoup, beaucoup dans la prochaine heure avec la prochaine émission. Mais pour l'instant, on va parler des différentes installations là, dont il va y avoir un vernissage demain. D'abord, il va y avoir l'installation audio-vidéo Ops d'Alexis Bellavance qui est présentée par Avatar. Donc, c'est au Carré d'Youville dans un conteneur. Il va également y avoir, présenté par Engram, le vernissage de l'exposition La Bataille du collectif LLP. Donc, un collectif qui est composé de membres d'Avatar, Karine Design, Michel Gagnon, Marie-France Tremblay et Noël Le Warton Ayer. Et également du côté de Vue, Vue va présenter l'installation photographique Coastal de Johan Halberg Campbell. Donc, tous ces vernissages-là sont à partir de 17h au Carré d'Youville. Également, demain, ça va être le vernissage à la Galerie des arts visuels d'Olivier Moison-Dufour, l'exposition Idées d'objets. Ça débute également à 17h. Et il y a un séminaire international culture-nature au monastère des Augustines qui va commencer également demain dès 8h et vendredi. C'est organisé par la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et la faculté de droit de l'Université Laval. Il va y avoir également l'Orchestre d'Homme Orchestre qui présente une collaboration avec Jacinthe Carrier. Ça s'appelle « Défoncer les murs ». C'est une œuvre qui a été tournée dans les bâtiments en construction du Diamant et ça va être présenté dès demain jeudi et ce pour 2 semaines. C'est gratuit, c'est ouvert tous les après-midi. La semaine prochaine, ça va également être ouvert le soir. Allez faire un tour, voir ça. Ça promet d'être très poétique, la combinaison de l'univers de l'orchestre d'Homme Orchestre et de Jacinthe Carrier. Vendredi, le vernissage de cette exposition est simplement brillante au 704 rue Sainte-Madeleine. On en a parlé il y a quelques instants avec Jean-Michel René. Il va y avoir également le vernissage à la Galerie 3 de l'exposition « Cônes et couronnes » de Jean-Pierre Morin. Du côté de Lévis, à Regard, un double vernissage dans la galerie, c'est Geneviève et Mathieu, le duo d'artistes de Rouyn-Noranda qui présente l'installation L'Opéra d'art. Et dans la vitrine des membres, c'est Martin Cormier qui présente l'exposition installation vidéo Marie. Et au Festival des arts de la rue, on en a parlé il y a quelques instants, c'est cette Tête de roi, qui est une collaboration de l'Orchestre d'Homme Orchestre et de Claudie Gagnon, s'est présentée au Domaine Maizeray les 13, 14 et 15 septembre à partir de 17h30. Dimanche, il va également y avoir un vernissage à la galerie Michel Guimond et c'est René Derouin qui va présenter l'exposition La vie sur le précambrien. Donc, une belle occasion d'aller rencontrer ce artiste d'envergure, donc dimanche de 13h à 17h et l'exposition va se poursuivre jusqu'au 13 octobre. C'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatialecKRL.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram pour voir toutes les actualités. J'aimerais remercier nos invités, Ludovic Bonnet au téléphone, Gabriel Boutillier de l'Orchestre d'Homme Orchestre et Claudie Gagnon. Et un grand merci à notre chroniqueur de la semaine, Jean-Michel René. Un super merci à Jacques Gignac, le Johan Miro de la console. Merci à Simon Roy pour nous avoir proposé du bon rap keb cette semaine. Et c'est maintenant le temps de s'adresser à Pierre Blais qui va nous parler des situations critiques. CKRL. Communication. Culture. Bonsoir, Pierre Blais. Bonsoir. Alors, j'imagine qu'on parle de cet incontournable festival de cinéma de la ville de Québec qui débute cette semaine. Ben, j'espère sous un autre temps qu'actuellement, où il fait un temps de chien. Mais, c'est pas si pire. Oui, toute la première demi-heure sera consacrée à quoi voir au festival de cinéma de la ville de Québec. Ça commence demain. On va notamment parler d'un documentaire réalisé ici à Québec, ben, en partie à Québec, mais le cinéaste a voyagé, sur la lutte, la famille des Vachons. Des lutteurs, Vachon. Oh! Mad Dog et Paul, entre autres. Donc, on va éplucher la programmation. Parce qu'il y a beaucoup à voir là, au festival. Comment qu'on fait pour démêler tout ça? Ben, il y a un film de cannibale. Ça, c'est toujours intéressant. Ça donne faim. Donc, Trouble Every Day, c'est vraiment un vieux film des années 90, quoi. Oui. Début 2000. Mais ça, il ne faut pas rater ça. Puis, un film de sorcière avec Björk, la chanteuse. OK. Un film de sorcière avec Björk. Allons-y pour ça. Ben, merci beaucoup, Pierre Blais. Bonne situation critique. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Les 13 et 14 septembre prochains, Saint-Roch Expé est de retour pour faire rayonner les commerçants et artisans d'ici. Une rentrée festive vous attend, alliant musique, cuisine, art et humour sur la rue Saint-Joseph. Dansez sur la meilleure musique émergente d'ici et d'ailleurs et dégustez à petit prix les spécialités des commerçants tout en profitant d'une journée animée en famille le samedi. Rendez-vous les 13 et 14 septembre à Saint-Roch Expé. L'activité a lieu beau temps, mauvais temps. Pour plus d'informations, saintrocxp.com. Une invitation de CKRL.